Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, échec et mat au cœur de la guerre froide, le match Bobby Fischer contre Boris Spassky. À l'été 1972, sur un bout de territoire isolé dans l'océan Atlantique, deux des plus grands champions d'échecs de tous les temps, deux immenses génies de la catégorie reine des grands maîtres, s'affrontent dans ce qui reste aujourd'hui encore, pour de nombreux spécialistes de la discipline, le match du siècle. Nous sommes de plein pied dans la logique Est-Ouest. Alors, le duel entre un Américain et un Soviétique pour une finale de championnat du monde, c'est un fait géopolitique. Qui des États-Unis d'Amérique ou de l'Union soviétique remportera cette victoire ô combien symbolique dans la bataille de l'image ? Ainsi, au cœur de l'été 1972, pendant deux mois, l'épicentre de la guerre froide n'est plus à Cuba, ni au Vietnam, ni même à Berlin, mais en Islande, sur un échiquier posé sur une table de bois dans le palais des sports de sa capitale, Reykjavik. Fischer et Spassky, les deux plus grands joueurs d'échecs de la planète, métaphore d'un monde coupé en deux. Notre invité aujourd'hui, Maurice Weiss, historien, spécialiste des questions de politique étrangère, des relations internationales et de la guerre froide. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Reykjavik, juillet 1972. En ce début d'été, la modeste capitale islandaise prend des allures de capitale du monde. Ses rues, ses boutiques et ses hôtels sont pris d'assaut par un flot ininterrompu de touristes et de journalistes venus du monde entier. Ici, on croise un couple d'Américains à la retraite, là, une équipe de télévision allemande, plus loin, un journaliste de la radio italienne, micro à la main, qui interroge des passants. Pour ce petit pays de 200 000 âmes, isolé sur un bout de terre rocheuse en plein milieu de l'Atlantique Nord, le contraste est saisissant. Et à ceux qui s'interrogent sur la raison d'un tel déferlement populaire, ici même en Islande, des affiches et des banderoles en anglais, disséminées un peu partout dans la ville, viennent rappeler qu'au palais des sports de Logardal va se tenir dans quelques jours la grande finale du championnat du monde d'échecs entre le challenger, l'américain Bobby Fischer, et le tenant du titre, le soviétique Boris Spassky. Dans les bars, dans les parcs et même sur le vieux port de Reykjavik, on parle échec, on vit échec et surtout on y joue. Chez les Islandais, les avis et les pronostics vont bon train sur l'issue de la rencontre. Pour certains, il ne fait aucun doute que le charisme et le génie de Spassky vont l'emporter. Quand d'autres, au contraire, sont convaincus que la fougue et le talent de Fischer vont surclasser le champion sortant. Et surtout, c'est la première fois depuis 25 ans qu'une finale de championnat du monde d'échecs n'oppose pas deux grands maîtres soviétiques entre eux. Non, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un Américain s'est invité. Considéré comme le jeu des rois et le roi des jeux, comme le défi intellectuel le plus abouti, les échecs ne pouvaient pas échapper à la récupération politique. Guerre froide oblige, la rencontre entre les deux champions dépasse très vite le cadre sportif. Du côté de l'opinion publique, on se passionne pour l'événement qui prend des allures de nouveaux conflits entre l'Est et l'Ouest. Conflits pacifiques bien sûr, mais symboliques. Dans la presse et les médias du monde entier, on offre très vite à l'Islande et à sa finale d'échecs l'ouverture des journaux et des bulletins d'information. Comme ici, dans le journal de 20h de l'ORTF du 4 juillet 1972. À ma droite, Fischer l'Américain. À ma gauche, Spassky le Russe. Non, ce n'est pas un match de boxe, puisque la boxe est interdite en Islande, mais ce qui se passe ici à Reykjavik ressemble fort à ce que l'on appelle ailleurs le noble art. À une différence près toutefois, c'est qu'ici, tous les coups sont permis, surtout en dehors du ring. Pardon, de l'échiquier. Le match du siècle, en vérité une belle bagarre, où les caprices et les exigences succèdent aux chausse-trappes et aux crocs en jambes, bref, tout l'attirail de ce que l'on appelle en termes académiques la guerre psychologique. En l'espace de quelques semaines, les échecs s'invitent à la table de tous les débats. Et avec eux, l'Islande abandonne son image de terre des volcans et de pêche à la baleine pour devenir la terre d'accueil d'un combat pacifique entre deux cerveaux exceptionnels. Un combat des grands maîtres qui a pour fenêtre 50 millions de téléspectateurs à travers le monde. Pour les non-initiés, le choix de l'Islande et de Reykjavik pour organiser une telle finale a de quoi surprendre à première vue. Pourquoi ici? Pourquoi si loin de tout? Certes, le pays possède 3 grands champions de la discipline. Il se classe au 3e rang des nations lorsqu'on établit le rapport entre le nombre d'habitants et le nombre de joueurs d'échecs dans l'île. Mais de là à organiser une finale de championnat du monde, en réalité, personne, même les Islandais eux-mêmes, n'avait prévu un an plus tôt que cette finale se jouerait ici, donc hors du RSS. Tout comme personne n'avait envisagé que les deux finalistes ne soient pas cette année, et encore une fois, des soviétiques. C'était sans compter sur un imprévu de taille. Lors des qualifications pour la finale, un certain Bobby Fischer a balayé la concurrence, réalisant d'entrée un 6-0 contre le grand maître Mark Taimanov, puis 6-0 encore contre le Danois Bent Larsen, et enfin il bat à plate couture, 6,5 à 2,5, le triple champion du monde Tigran Petrosian. Pour la première fois, la Fédération internationale d'échecs a dû trouver un lieu qui puisse accueillir la compétition en terrain neutre. Pour cela, on a lancé un appel à candidature, bien sûr. 3 villes ont présenté un dossier. Buenos Aires, en Argentine, Belgrade, en Yougoslavie et Reykjavik, en Islande. Et comme l'explique le consul honoraire de France sur l'île, Albert Gudmundsson, Reykjavik n'était pas le premier choix des juges. La Yougoslavie était choisie d'abord. Mais quand les Yougoslaves ils sont venus, les caprices de Fischer s'approchaient, ils sont dénoncés. A organisé cette match de siècle. Oui, en effet, oui. Mais l'Islande a été choisie après la Yougoslavie. Et l'Islande est peut-être un très bon pays pour organiser les rencontres entre l'Ouest et l'Est. À la fin de l'année 1971, la Fédération internationale d'échecs rend sa décision. L'Islande remporte l'appel d'offres et le privilège d'organiser l'événement. En fait, c'est une victoire au goût amer pour Reykjavik. Car si de son côté Spassky, le soviétique, accepte sans broncher les conditions d'organisation, Fischer, l'américain, exige de nombreuses améliorations avant de donner son accord. Au palais des sports, le Gardal, on entreprend donc des travaux considérables. On change les moquettes, on installe un système de climatisation dernier cri pour maintenir la température à 22,5 degrés. Précise, on fait réaliser sur mesure un jeu et un plateau d'échecs en pierre pour un coût qui dépasse les 20 000 dollars. On installe une structure d'isolation phonique tout autour de l'aire de jeu. On fait venir du Japon des caméras dernier cri réputées pour le silence de fonctionnement absolu. Et enfin, on achète un jeu de lumière fluorescente hyper sophistiqué à une société danoise. Bon an mal an, vie à ses avocats. Après toutes ces conditions réunies, Fischer valide sa participation. Mais en ce début d'été 72, à la veille de l'ouverture de la finale, Reykjavik vit un cauchemar. L'excentrique Bobby Fischer, celui-là même qui réclamait un éclairage à plus de 100 000 dollars, n'est toujours pas là. Parmi l'entourage du champion américain, personne ne sait où il se trouve. De son côté, Boris Spassky, qui comme à son habitude est arrivé avec une semaine d'avance, tourne en rond dans sa chambre d'hôtel. La situation est surréaliste. Les Islandais sont dépassés et beaucoup craignent une annulation de la finale. D'ailleurs, la Fédération soviétique, qui craint une tentative de déstabilisation, menace de rappeler son champion à Moscou. Il faut un coup de téléphone du conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Henry Kissinger, en personne, pour rappeler à Fischer, décidément bien capricieux, que le prestige du pays est en jeu. Fischer cède et prend le premier avion en partance pour Reykjavik. Fischer contre Spassky, Spassky contre Fischer. Avec 9 jours de retard, la grande finale du championnat du monde va donc pouvoir se disputer à partir du 11 juillet pour une série de 24 matchs. Mais avant que les deux hommes ne s'assoient à la même table et n'entament leur premier coup, arrêtons-nous un instant sur leur personnalité et leur parcours. Celui qui retient évidemment l'attention de tous les spectateurs, c'est lui, Bobby Fischer, ou plutôt James Robert Fischer, de son vrai nom. L'Américain de 29 ans, 8 fois champion des États-Unis, est le challenger, une position qui en principe vous accorde les faveurs d'un public en quête de surprises et de sensations. Le magazine American Times le décrit comme un homme qui s'est fixé comme unique objectif de devenir un jour champion du monde. Fischer, le gamin de Brooklyn, celui qui à 14 ans a abandonné l'école pour vivre sa passion et devenir dans la foulée avec une incroyable facilité le plus jeune champion de l'histoire des États-Unis. Fischer, ce génie déconcertant qui vit en solitaire et dont le cœur ne bat que pour une seule raison, les échecs. à New York. On dit de lui qu'il a lu tous les livres consacrés à cette discipline et qu'il aurait même appris le russe pour pouvoir assimiler les manuels d'entraînement soviétiques. Au revers de la médaille, le prodige et autodidacte américain est sensible, irritable et psychologiquement, disons, instable. À l'image de ses caprices et de la liste de ses exigences pour jouer la rencontre face à Spassky. Un trait de caractère qu'explique son psychiatre, le docteur Benjamin Weininger. Son comportement dépend de la situation, des défis qui lui sont lancés. Il est, je l'ai dit, profondément dévoué à la cause des échecs. Il veut apprendre les échecs, les maîtriser. Lorsqu'il joue, lorsqu'il réussit à percer la cloison qui l'isole de son milieu, il brise la coquille, communique avec l'extérieur violemment et provoque une tension qui me semble particulièrement fascinante. Pour les autres, il paraît anormal. Les échecs sont sa religion, enfin, une de ses religions. Quel est l'autre ? Il appartient à une église de Dieu, ce qui lui est très bénéfique, car il a tendance à s'isoler et sa foi établit un rapport avec les autres. Aux États-Unis, le personnage de Bobby Fischer fascine autant qu'il ne divise ses compatriotes américains. Têtu, méprisant et excentrique pour les uns, génie à la spontanéité et à la force d'anticipation exceptionnelle pour les autres, le joueur est dans son pays une vedette des magazines et des plateaux de télé. Une célébrité qui vit difficilement et qui le met profondément mal à l'aise. Pour preuve, lors de son arrivée à l'aéroport de Reykjavik, face à la foule qui lui réserve un accueil pourtant triomphal, le champion se précipite dans sa voiture sans même adresser un regard. Un comportement que tente de justifier l'un de ses assistants, William Lombardi, en raison de l'enjeu, bien sûr, autour de cette compétition. C'est difficile pour Spassky, parce qu'il est le champion. Et pour Fischer, parce que tout le monde s'attend à ce qu'il gagne par un score énorme. La tension qui s'exerce sur lui est extrêmement forte. Il ne veut pas être importuné. Est-ce que Fischer est certain de pouvoir gagner ? Je l'espère, personnellement. Est-il en bonne forme ? N'y a-t-il pas de difficultés pour le moment ? Jusqu'à présent, non, je n'en vois aucune, mais dans un championnat d'échecs surgissent des difficultés tout à fait inattendues, comme dans n'importe quel championnat, n'importe quel sport. Il est impossible de prédire le résultat. L'adversaire de Fischer dans ce match au sommet, c'est donc le champion du monde en titre, le soviétique Boris Spassky. 36 ans, journaliste de formation, marié et père de deux enfants, c'est la référence dans le milieu des échecs. Les joueurs qui le côtoient lors des grands tournois vendent son calme, sa maturité et sa maîtrise parfaite du jeu, quelles que soient les conditions. Face au public islandais, il est chaleureux, il serre des mains, signe des autographes. Il fait tout ce que Fischer ne fait pas. Pur produit du système de formation des grands maîtres soviétiques, Spassky a étudié dans une université d'échecs, dans la banlieue de Moscou. Pour le Kremlin, son titre, celui de champion du monde, est un symbole de la victoire idéologique sur son ennemi, les États-Unis. Alors, à Reykjavik, le régime veut conserver cette étoile grâce à Spassky, ainsi prouver qu'intellectuellement, le modèle de l'URSS dépasse celui des États-Unis. Malgré l'avantage lié à son expérience, le champion d'échecs de France, Jacques Maclès, considère, lui, que Spassky, eh bien, ne part pas favori dans cette rencontre. Alors c'est un handicap pour lui d'être tenant du titre ? Oui, c'est un gros handicap. La pratique a montré qu'il était beaucoup plus difficile de conserver son titre que de l'acquérir. C'est-à-dire que le championnat du monde a lieu tous les 3 ans. Oui. Et il y a toute une meute de candidats au titre qui s'entre-dévorent et un seul rencontre le tenant du titre. Alors est-ce que ça veut dire que Spassky est sous-entraîné ? Il y a peut-être un peu de cela. En ce sens que Spassky n'a joué que 2 tournois essentiels depuis qu'il est champion du monde. Et il faut jouer régulièrement ? Apparemment, il faut jouer très régulièrement. Jouer bien signifie également jouer souvent. Est-ce que vous croyez qu'il est impressionné par son adversaire ? Il est très impressionné par son adversaire. Est-ce que c'est un peu une guerre des nerfs qui se déroule là-bas ? Certainement, très certainement. C'est pas un peu, c'est même beaucoup une guerre des nerfs. D'ailleurs, la veille de la rencontre, Boris Spassky donne le sentiment d'être préoccupé. Est-ce une fatigue liée aux multiples retards et atermoiements de son adversaire Fischer? Non. Le problème qui préoccupe le champion soviétique n'est pas là, en tout cas pas sur le plan sportif, il est sur le plan politique. En effet, voilà plusieurs années que le champion soviétique dénonce publiquement l'invasion de la Tchécoslovaquie par les chars de l'armée soviétique. Si jusqu'alors, l'aura que lui donne son titre mondial le protège, en cas de défaite, Spassky sait qu'il peut perdre cette immunité et autres avantages matériels dès son retour à Moscou. Donc, défaite interdite. C'est dans ce climat que le 11 juillet 1972, à 17h, s'ouvre dans la grande salle du Palais des Sports de Reykjavik le premier match de la finale des championnats du monde d'échecs 1972, Spassky-Fischer. France Inter, il est 7h. D4, F6, le duel Est-Ouest est commencé. D4, c'est le premier coup de Spassky. C, F6, la réponse de Fischer. La rencontre au sommet Est-Ouest est celle qui oppose le russe Boris Spassky et l'américain Bobby Fischer, avec pour enjeu Jean Pézieux, le titre de champion du monde des échecs. Le duel des deux géants a commencé à Reykjavik avec 9 jours de retard. Il faut dire que les vedettes ont leurs caprices. Certains journaux titraient « La calasse des échecs face à la Tebaldi ». C'est ainsi que l'américain Fischer a fait remplacer les cases de marbre noir par des cases de couleur verte qui reflètent, dit-il, moins la lumière. Il a fait venir par avion spécialement une chaise de dentiste pivotant des États-Unis. Enfin, j'allais l'oublier, comme les spectateurs étaient trop près à son goût de l'échiquier, les premières rangées ont été reculées de quelques mètres. Juillet 1972, Bobby Fischer face à Boris Spassky. Le duel commence et il s'annonce fantastique. Dans la salle du Palais des Sports de Reykjavik, deux importantes délégations, américaines et soviétiques, ont pris place. Il y a là les ambassadeurs respectifs des deux pays, des conseillers techniques, des assistants et aussi, en cas de nécessité, quelques hommes en imper beige et gris, probablement des agents de la CIA et du KGB. Au centre de la salle, spécialement aménagée pour l'occasion, sur l'épaisse table en bois, les coudes posés sur l'échiquier, les deux champions sont là. Concentrés, ils se font face. À droite, Fischer, à gauche, Spassky. Fidèle à ses habitudes anticonformistes, le champion américain est une nouvelle fois arrivé en retard pour la rencontre. Ce qui, dit-on, énerve encore un peu plus le champion soviétique très respectueux des horaires, lui. De leur côté, les commentateurs s'interrogent. S'agit-il d'une tentative de déstabilisation, d'une passe d'armes dans la guerre psychologique que se livrent les deux hommes? Dans le camp américain, on parle d'un simple problème d'embouteillage en ville, une excuse qui en Islande au début des années 70 paraît tout de même bien peu crédible. Toujours est-il qu'au même moment, dans la salle du match et dans le grand hall du Palais des Sports, plusieurs milliers de personnes assistent à la rencontre qu'on diffuse sur l'écran géant et à sa retranscription sur un plateau virtuel. Là, sur le mur, les pions blancs et noirs prennent vie, ils se déplacent, se chevauchent, s'évitent dans un ballet d'une précision redoutable. Après quelques belles ouvertures, les positions des deux joueurs dans cette première rencontre se figent. Pour nombre de commentateurs, il ne fait aucun doute qu'ils se testent, qu'ils se jugent pour voir qui est capable de quoi. Au bout de 28 coups, on s'attend à ce que la partie aille au match nul, un résultat qui permettrait d'assurer un demi-point pour chacun. Sur l'échiquier, l'égalité est parfaite, la symétrie des pions et des pièces remarquable. Et là, alors que tout semble joué, Bobby Fischer réalise un coup que personne ne pouvait prévoir. Il prend un pion à son adversaire et laisse son fou à découvert. Spassky est médusé. L'erreur, si c'est une erreur, de la part de l'Américain est trop grossière. Fischer lui tend-il un piège? S'agit-il d'une stratégie qu'il ne connaît pas? C'est parce qu'il réfléchit. Le champion soviétique, d'habitude si calme, paraît soudain extrêmement nerveux. Après quelques secondes de réflexion, le Russe joue le tout pour le tout et prend le fou. À la télévision, on s'interroge. Quelle est donc la stratégie de Fischer? Pourquoi cette prise de risque? D'autant que, quelques coups plus tard, l'Américain joue une fois de plus une position totalement incompréhensible et se met désormais dans une position délicate. Au 56e coup, Fischer met les mains entre sa tête. Il regarde le plateau, ahuri. À ce moment-là, il le sait, il a perdu. Après 4h30 de tension, dans un match très fermé, Boris Spassky emporte la première manche sur une erreur de son adversaire. Il mène 1-0 et prend une sérieuse option psychologique pour la suite. À la sortie du Palais des Sports, Fischer explique qu'il a été déconcentré par le bruit des caméras. Un système qu'il a pourtant testé et approuvé quelques jours plus tôt. La fédération islandaise refuse qu'on les retire et explique que ce sont les droits télévisés qui financent en très grande partie les gains de la rencontre. Or, sans caméra, pas de gain en vainqueur. Fischer menace de ne pas jouer. Tant et si bien qu'à l'ouverture du second match, 48 heures plus tard dans la salle du Palais des Sports de Reykjavik, Spassky se retrouve seul à la table. Les minutes passent, les spectateurs n'en croient pas leurs yeux. Le spectacle de cette finale du championnat du monde qui s'offre à eux est grotesque. Une fois le temps réglementaire dépassé, les juges décident d'attribuer la victoire par forfait à Spassky. Le soviétique mène donc désormais 2-0. Le championnat du monde d'échecs à Reykjavik ressemblait à une farce. Il tourne maintenant au scandale. Les Islandais accusent l'Américain Bobby Fischer de chercher finalement à éviter le combat. Après avoir réclamé la suppression des caméras, il a exigé en effet qu'on vide les premiers rangs de fauteuils. Il est permis de penser que bientôt, il demandera que l'on enlève aussi son adversaire, le Russe Spassky. On prévoit le pire en tout cas, et les organisateurs envisagent déjà, si le match est annulé, un grand tournoi international pour sauver la face. Aux États-Unis, les chaînes de télé qui ont pourtant payé une fortune pour obtenir les droits de retransmission commencent à déprogrammer les prochains matchs. Parmi les experts du circuit américain, nombreux sont ceux qui pensent que Fischer ne se relèvera pas. Qu'à 2-0 face à un champion tel que Spassky, les jeux sont faits. D'ailleurs, l'Américain reprendra-t-il le combat? On est en droit de se poser la question. Pour le troisième match, après un long échange téléphonique avec la Maison Blanche, Bobby Fischer fait son retour au Palais des Sports. L'Américain accepte de reprendre la bataille, mais à l'unique condition qu'on déménage l'échiquier et les chaises dans une autre salle, sans public. Spassky, qui aurait pu refuser et gagner de nouveau par forfait, accepte, beau joueur, la demande de son adversaire. La troisième partie se déroule donc dans un local qui sert d'habitude à ranger les tables de ping-pong. Heureusement, une petite caméra de surveillance installée dans un angle permet de retransmettre la rencontre. Pour cette partie, Fischer commence par jouer agressif avec une défense Benoni. Une défense très risquée qui sous-entend dans le milieu des grands maîtres « Nous ne jouerons pas le nul, nous jouerons la mort ». Contrairement à ses habitudes, l'Américain place son cavalier à l'extérieur. Spassky semble rapidement déboussolé. L'Américain joue avec un style que le Soviétique n'avait pas anticipé. Il faut dire que ce genre de coup est rare et très peu joué. Spassky tente de reprendre l'avantage, mais subit, et il finit par perdre cette troisième rencontre. Alors, aux États-Unis, l'espoir renaît. En URSS, au contraire, on soupçonne très vite l'Américain de tricher. Il me reste à vous dire qu'on assiste à une détérioration actuellement des relations entre Américains et Soviétiques. Ce n'est pas de politique qu'il s'agit, mais d'échecs. L'envoyé spécial de l'agence TASS révèle en effet que lors du championnat du monde d'échecs à Reykjavik, le joueur américain Fischer se ferait aider maintenant par un ordinateur. Un ordinateur situé dans l'un des plus grands centres de calcul électronique des États-Unis. Un ordinateur qui suivra chaque coup de la partie. Quand Fischer verra son roi ou sa reine menacé, il n'aura qu'à interroger l'ordinateur qui lui soufflera la parade. C'est de la concurrence déloyale, affirme le journaliste soviétique. Mais que ne ferait-on pas pour gagner, surtout quand l'enjeu est d'importance? Le gagnant, en effet, remportera la coquette somme de 125 millions de nos anciens francs. Pour faire la lumière sur toute cette affaire, des agents du KGB passent la salle de jeu au crible. Ils inspectent la table, les chaises, les coussins et même les pions qu'utilisent les deux joueurs, une parano bien guerre froide. Oui, parce qu'à Moscou, on est persuadé que la CIA a trafiqué l'éclairage pour irradier Spassky, voyons. Mais à leur grand regret, après des heures de fouilles, les soviétiques ne trouvent rien de suspect. Ensuite, la quatrième partie se déroule dans des conditions, disons, normales et se termine par un match nul. À la cinquième, Fischer surprend son adversaire et réalise un coup de maître pour l'emporter, comme en témoigne l'envoyé spécial du Figaro sur place et fin connaisseur des échecs, Henri Catosi. Cinquième partie, Fischer allait noir. Nous sommes au 27e coup. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe un retournement de situation absolument phénoménal. Dans cette position-là, Fischer joue un coup que personne n'a prévu. Il prend le pion qui se trouve ici, voyez-vous, attaquant la dame. Ce fou n'est pas défendu, mais si la dame prend ce fou, c'est mat en deux coups. C'est un mat imparable en deux coups. Un mat imparable qui permet à Fischer de revenir à égalité avec Spassky au tableau d'affichage, 2,5 partout. Lui qui était donné perdant 6 jours plus tôt, l'exploit est considérable. Pendant les 2 semaines qui suivent, entre les parties 6 et 13, Fischer déroule son jeu et bloque à chaque reprise son adversaire. À la table, l'Américain est méconnaissable, il adopte un style et des positions qui étouffent son adversaire. Les commentateurs sont bluffés par la précision des deux joueurs. Chaque coup est exceptionnel, chaque coup répond à des stratégies parmi les plus belles aux échecs. Le match atteint un tel niveau qu'à la victoire de Fischer au 13e match, Spassky se lève et applaudit l'Américain qui mène désormais 8-5. La fin de la partie s'annonce explosive. Dans la presse, on suit avec passion ce combat des maîtres. De leur côté, les spécialistes interrogés sont unanimes et qualifient la rencontre de match du siècle. À Reykjavik, en Islande, Bobby Fischer a désormais fait la moitié du chemin dans sa campagne pour détrôner le champion du monde soviétique, Boris Spassky. Fischer a besoin de 12,5 points pour remporter le titre. Le prochain match est prévu à Reykjavik, demain après-midi. La seconde partie de la série des rencontres 13 à 20, les deux joueurs ne prennent pas de risques, alors les parties sont souvent très longues et éprouvantes. Lors des ajournements, au 40e coup, Spassky retourne dans sa chambre travailler quand Fischer, lui, se fait ouvrir le bowling pour se décontracter. Encore une fois, la différence de style entre les deux hommes est en tout point différente, mais elle paye. À la veille du dernier match, au tableau d'affichage, Fischer mène 11,5 à 8,5. Il ne peut plus être rattrapé. Avant même la 21e et dernière rencontre, l'Américain sait qu'il est désormais le nouveau champion du monde. Alors, pour la forme et le spectacle, les deux joueurs jouent à fond le dernier match de la finale. À bout de force, Spassky finit par abandonner. Fin de la rencontre. Bobby Fischer, cette fois, est sacré champion du monde. Voici Spassky, un peu dépité, un peu amer. Après 53 jours de lutte, il a dû s'incliner. Pour la première fois depuis 1947, les Soviétiques ont laissé échapper la couronne. Fischer, c'était bien le meilleur, avoue Spassky, mais quel caractère, il arrivait toujours en retard. Oui, souvent, son comportement frisait l'insulte. Spassky n'est pas rancunier, il est d'accord en principe pour rencontrer le 12e champion du monde à Belgrade en fin d'année ou à Las Vegas l'année prochaine. C'est que Fischer, pour sa part, est bien décidé à exploiter sa victoire au maximum. Des millionnaires américains se battent déjà pour financer de nouvelles rencontres. L'argent est là, dit Fischer, et je veux en gagner. Après tout, les vedettes du football en gagnent bien, pourquoi pas moi ? Mais les questions d'argent mises à part, ce match du siècle aura quand même eu un grand mérite, celui de susciter partout dans le monde un engouement exceptionnel pour le plus difficile des jeux. En dramatisant cette rencontre, le nouveau champion a été un excellent agent publicitaire pour lui-même d'abord, pour les échecs ensuite. À Washington, on triomphe. À Moscou, on évite de s'attarder sur cette défaite historique. On préfère se concentrer sur les excellents résultats des athlètes russes aux Jeux Olympiques d'été qui viennent de s'ouvrir à Munich. Paradoxe de cette affaire, Bobby Fischer, le prodige américain qui a accompli là le seul rêve de sa vie, ne défendra jamais son titre et le perdra même par forfait 3 ans plus tard. Après cet exploit islandais, il disparaît totalement du monde des échecs et de la société et part vivre en exil, dit-on, dans la ferme d'une secte californienne. De son côté, Spassky tentera coûte que coûte de récupérer sa couronne mondiale, mais sans succès. Fatigué et vieilli, il fait face à la concurrence impitoyable d'un jeune homme au talent prometteur, un certain Anatoly Karpov, le futur grand maître des échecs. En 1992, pour un match de gala en Serbie, Spassky et Fischer disputent une rencontre revanche pour l'honneur et surtout pour l'argent. Et encore une fois, l'Américain l'emporte sur le Russe. Aujourd'hui, 44 ans après cette finale du championnat du monde d'échecs en 1972 entre Bobby Fischer et Boris Spassky, eh bien, cette finale continue d'alimenter les débats. Partie rocambolesque pour les uns, match de légende pour les autres, les deux probablement. J'ai avancé mon fou pour te prendre ma reine. Attendre me rend fou, je vais tenter le coup. J'ai avancé mon fou et je ne veux pas perdre. À part toi tout le reste je m'en fous. J'ai avancé mon fou pour t'arrêter net, de stopper ma reine. Dans ta jolie retraite, j'attends ton prochain coup de fil et de tonnerre. Je sais, c'est encore flou, l'amour, c'est pas très net. Les échecs, ah, chérie, chérie, ça me connaît. Ah, les échecs, ah. C'est mon jeu préféré, préféré. J'ai avancé mon fou pour t'empêcher ma reine d'aller te coucher près de ton cavalier, prise dans la diagonale. D'un amour digital, tu n'auras d'autre choix que d'être mon idéal. Idéal. Tu connais tous les coups, je connais tous les cas. Oh mais celui-là en tout cas, il est pour toi et moi. Ce qui va se passer, la partie terminée, pieds et poings liés, les dés sont jetés. Et jeter les échecs. Ah, chérie, chérie, ça me connaît. Ah, tu sais, les échecs. Ah, c'est mon jeu préféré. Préféré. Ah, ah, les échecs. Affaire sensible aujourd'hui, la diagonale du fou, Bobby Fischer contre Boris Spassky, championnat du monde d'échecs en 72, le match du siècle dont nous allons parler avec notre invité, l'historien Maurice Weiss, spécialiste de la guerre froide. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous rassure, hein, on va pas parler d'échecs. Vous êtes joueur d'échecs, vous? Non, je ne sais pas jouer aux échecs, mais j'ai tout de même une petite idée de ce que c'est, et je trouve que vous avez parfaitement choisi ce moment extraordinaire, parce que on pense à ce qui s'est passé exactement au même moment entre les Américains, les Soviétiques et les Chinois, on voit exactement ce type de coup à trois bandes, et de ce point de vue-là, le choix est excellent. Je me permets de vous dire au passage, essayez, c'est un jeu extraordinaire, absolument extraordinaire. Non. Bien, alors, cette année est tellement captivante. Cette année 72, résumons-la, parce que vous mettez en avant trois points, ce qui complète bien le récit d'ailleurs. Alors, quelle est cette année 72, comment se passe-t-elle, avec quel tempo, quels événements à la fois concomitants et séparés, et qui nous expliquent un moment important de ce qu'on a appelé la guerre froide? Alors, on est en pleine détente, en réalité. C'est-à-dire que les Américains et les Soviétiques essayent de trouver des aménagements à la course indéfinie aux armements, et ça, ce n'est pas très facile, mais ils vont y parvenir. Ils y parviennent dès 72 et de nouveau en 73 d'ailleurs. Mais en plus, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de voir que les Américains, pour faire céder les Soviétiques, vont entreprendre une ouverture du côté de la Chine populaire. C'est évidemment extraordinaire, parce que depuis l'accession de Mao au pouvoir en 1949, les relations étaient totalement interrompu entre les Américains et les Chinois. Et par conséquent, il y avait, de ce point de vue-là, une hostilité totale. Et en particulier à cause de Taïwan. Or, les Américains, et en particulier, il faut bien le dire, le couple Nixon-Kissinger, vont avoir l'idée de prendre contact avec les Chinois pour essayer de doubler les Soviétiques. Et de ce point de vue-là, l'année 72 est en effet extraordinaire, parce que on a à la fois une visite des Américains à Pékin et une visite des Américains à Moscou. Comment les autorités soviétiques réagissent-elles à cette initiative de Nixon de rencontrer Mao ? Les Soviétiques sont extrêmement perplexes et mécontents, parce que au fond, si les Américains font cela, il faut bien comprendre que depuis 1900, depuis les années 60, et en particulier depuis 1969, il y a un véritable état de belligérance entre, d'un côté, les Soviétiques et de l'autre côté, les Chinois. Il y a eu même des affrontements armés. À la frontière, ouais. Par conséquent, les Soviétiques ont de plus en plus peur des Chinois, les 600 millions de Chinois dont on parle, et par conséquent, le problème qui se pose pour les Soviétiques, c'est de se faire tourner par les Américains, avec lesquels ils se demandaient comment aboutir à des accords de limitation des armements. Et voilà que Kissinger d'abord et Nixon ensuite les doublent. Alors même, et ça c'est extraordinaire, que les Américains s'opposent à l'entrée de la Chine populaire à l'ONU, et que les Américains n'ont toujours pas reconnu la Chine populaire. C'est tout de même assez extraordinaire de ce point de vue-là, d'un point de vue de la stratégie politique. Mais c'est quand même pendant cette année-là que les premiers accords de limitation des armements stratégiques, les accords SALT, oui, hein, c'est absolument. Ça, se signe. Tout est contradictoire. Vous avez donc les États-Unis qui ouvrent la porte aux Chinois alors qu'ils n'ont pas reconnu diplomatiquement, les Soviétiques qui sont dans une position compliquée, et malgré tout, ça énerve personne, puisqu'au bout du compte, on signe quand même les premiers accords de désarmement. Ça énerve personne, enfin, oui et non. Vous savez que Nixon était un homme extrêmement intelligent sur le plan géopolitique, stratégique, etc., mais que c'était un homme aussi extrêmement vulgaire, et qui s'exprimait de façon ordurière. Eh bien, je vais citer un de ses propos lorsque il prend contact avec les Chinois. Il dit à Kissinger, eh bien, vous, les Soviétiques, nous allons les baiser de cette façon-là. Parce que ils vont voir que nous ne sommes pas uniquement liés à eux, et si par hasard, grâce à cela, nous pouvons régler la question du Vietnam, parce que la question du Vietnam est derrière là, eh bien, tant mieux. Mais la première chose qui les intéresse, c'est de coincer les Soviétiques. Alors, puisque vous parlez du Vietnam, Maurice Weiss, on va écouter l'avis d'Alain Seneca, grand spécialiste des échecs. Et, on va l'écouter après lui. On va parler d'abord du Vietnam, puisque c'est le moment où Américains et Soviétiques se retrouvent à Moscou pour signer les accords SALT. Au moment où la guerre fait rage au Nord-Vietnam, c'est important, le président Richard Nixon annonce un blocus de cette partie du pays. On va écouter une archive extraite du journal de France Inter le 9 mai 72. Ainsi donc, cette nuit, sur les écrans de la télévision, le président des États-Unis a franchi le Rubicon. Des négociations, peut-être, mais à deux conditions. Tout d'abord, que les prisonniers de guerre américains détenus au Nord-Vietnam soient libérés. Ensuite, qu'un cessez-le-feu contrôlé internationalement soit instauré dans toute l'Indochine. Toute, cela veut dire le Sud-Vietnam, bien sûr, mais aussi le Laos et le Cambodge. Si vous, Nord-Vietnamiens, vous êtes d'accord avec ce plan, poursuit le président américain, alors, dans un délai de 4 mois, nous quitterons le Sud-Vietnam et vous, Vietnamiens du Nord ou du Sud, vous pourrez négocier entre vous les conditions d'un règlement politique. Ah oui, c'est une partie d'échec. C'est clairement une partie d'échec. La métaphore se retrouve dans cette période de la guerre froide. Les jeux diplomatiques sont extrêmement subtils. Comment de décoder cet épisode là qu'on vient de d'évoquer. Alors, le point important, c'est que Américains et Soviétiques ont tous les deux intérêt à aboutir à des accords de limitation des armements. Pourquoi ? Premièrement, parce que la course aux armements coûte très cher. Deuxièmement, parce que ils ont accumulé tellement de tonnes de bombes qui suffiraient à détruire plusieurs fois la planète qu'ils en ont trop. Mais cela, c'est vrai du côté américain, et du côté soviétique, il y a un autre intérêt. C'est que les Soviétiques recherchent la parité avec les Américains sur le plan stratégique. C'est-à-dire qu'ils veulent aboutir à se faire reconnaître par les Américains une espèce de co-gestion des affaires internationales et par conséquent, sur le plan des armements, de la limitation des armements, ils vont obtenir au moment des accords de Moscou, les accords SALT, le fait que, grosso modo, les chiffres ne signifient pas grand-chose, mais grosso modo, ils obtiennent la parité avec les Américains sur le plan stratégique, sur le plan des armes, des fusées intercontinentales d'un côté, et sur le plan des fusées lancées à partir des sous-marins nucléaires. Alors, si vous voulez, on peut aller un peu plus loin même dans le détail. Il y a en effet des tas de subtilités. Et en particulier, il a la subtilité de ce qu'on appelle les MIRV, le mirvage. C'est-à-dire que nos ingénieurs, nos stratèges sont tellement intelligents qu'ils ont eu l'idée de fabriquer des têtes nucléaires qui, lancées par les fusées, retomberait à plusieurs endroits, aurait plusieurs cibles à la fois. C'est-à-dire qu'il suffirait pas que ça tombe sur une cible, mais elle pourrait tomber sur plusieurs cibles. Or, sur ce point, les Américains sont en avance sur les Soviétiques, et évidemment, les Américains, beaux joueurs, laissent aux Soviétiques un tout petit peu plus de fusées intercontinentales qu'eux-mêmes, mais ils savent que grâce au mirvage, ils ont en fait la suprématie sur les Soviétiques. soviétique. Alors, on appelle ça l'équilibre de la terreur. C'est quand même formidable, cette formule, équilibre de la terreur. Parce que c'est tout à fait subtil. Où est l'équilibre? Où est la terreur? Qui l'emporte sur l'autre? A priori, personne, justement, c'est l'égalité. Oui, alors, il y a même un terme qui est plus extraordinaire encore, qui est la destruction mutuelle assurée, MAD, en américain. C'est-à-dire que on sait que grâce aux armes accumulées, si on les on appuie sur le bouton, eh bien il y a des centaines de millions de gens qui vont mourir. Et par conséquent, un des aspects des accords SALT de 1972, en dehors de ces questions de limitation des armements, c'est quelque chose d'extraordinaire à imaginer. On avait, bien sûr, on avait l'idée qu'il fallait se protéger contre les attaques. Et par conséquent, il y avait des systèmes de antimissiles qu'on appelait les systèmes ABM. Mais si on couvre le territoire soviétique ou le territoire américain de systèmes ABM, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de frapper l'autre. Alors qu'est-ce qu'on a comme idée extraordinaire? C'est que les Américains et les Soviétiques limitent à deux les systèmes ABM au-dessus de Washington et au-dessus de Moscou et au-dessus d'un site de lancement des fusées intercontinentales, mais que partout ailleurs, les Américains peuvent frapper les territoires soviétiques et les Soviétiques peuvent frapper le territoire américain. On est dans la folie totale. C'est vraiment le film de Kubrick. Docteur Fallamour. Exactement. C'est Docteur Fallamour. C'est Docteur Fallamour. Maurice Weiss, alors on s'est fait aussi la guerre par conflits régionaux interposés pendant la guerre froide. C'est-à-dire que les Soviétiques et les Américains ne s'affrontent pas directement. Je pense au Nicaragua, je pense à d'autres pays d'Amérique du Sud, des dictatures fascistes soutenues par la CIA. Et puis, de leur côté, les Soviétiques installent des pouvoirs fantoches. En Afghanistan, par exemple. Donc, c'est ça aussi l'équilibre de la terreur. C'est, on ne s'affronte pas parce que sinon le monde entier y passe. Mais alors, en même temps, on peut s'affronter par conflits régionaux interposés. Oui, parce que les Soviétiques et les Américains ne veulent pas s'affronter l'un par rapport à l'autre, sachant que cela déclencherait, au fond, l'apocalypse. Mais, par ailleurs, puisque il y a aux marges des possibilités de gains importants, eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Par exemple, les Américains bombardent le Nord-Vietnam de façon extraordinaire, et pendant ce temps, Nixon est à Moscou. alors que le Vietnam est allié de Moscou. Et puis, par la suite, on verra les Soviétiques installer peu à peu des pions un peu partout, en Afrique, en Asie, etc., montrant que derrière la détente, la guerre froide continue. Puisque vous parlez de pion, Maurice Weiss, attention, j'avance mon pion devant votre roi, vous êtes tenté de me le prendre, mais vous ne pouvez pas parce que vous mettez sur la médiane de ma tour, d'accord? Oui. Bon, alors est-ce qu'il faut à chaque fois symboliser la géopolitique par les échecs? Et j'en reviens à notre finale de championnat du monde. On va écouter justement Alain Sénéca, voilà, et maintenant on va l'écouter, grand spécialiste des échecs, envoyé spécial pour le Figaro sur place, il parle de ce match et de son rapport supposé, je dis bien supposé, à la guerre froide. On a un peu voulu politiser cet affrontement, considérer ce championnat du monde comme un affrontement soviétique contre États-Unis. On a eu peut-être tort, mais en réalité, l'événement est important parce que précisément pour la première fois, un Américain remporte le titre, alors que d'habitude, depuis 25 ans, il n'y avait que les Russes qui jouaient entre eux. Il est évident que même le président Nixon, qui invite maintenant Fischer à la Maison-Blanche, trouve que c'est un événement important. Et vous, en tant que joueur d'échecs, pour vous, à l'heure des bilans, comment considérez-vous ce championnat du monde ? Eh bien, je considère ce championnat du monde très passionnant, malgré les fautes quelquefois commises par Spassky, malgré le forfait de la deuxième partie par Fischer. Il a donné des parties magnifiques qui resteront à jamais comme des monuments de combativité et de génie. Oui, comment en Union soviétique a-t-on suivi ce match et l'a-t-on accueilli ? Eh bien, on a suivi ce match avec amertume, mais avec beaucoup d'objectivité échiquéenne. Ils ont donné hommage, ils ont rendu hommage au talent de Fischer. Ils ont trouvé que Fischer a mérité d'être champion du monde. Bon, on va filer une dernière fois la métaphore avec les échecs. Quel est le rôle ou la position d'un pays qui n'est ni l'Union soviétique ni les États-Unis? On va prendre un pays d'Europe, on va prendre la France. Évidemment, dans cette géopolitique dominée par les deux grands, est-ce que la parole d'un pays comme la France compte, ne serait-ce qu'un peu? Alors, la France a en effet une position très originale, parce que elle est membre de l'Alliance Atlantique, même si elle est sortie de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN, elle fait partie de l'Alliance Atlantique, et par conséquent est amie des États-Unis. Mais d'un autre côté, et ça c'est extraordinaire, depuis le voyage du général de Gaulle en Union soviétique en 1966, il y a une tradition de rapprochement avec l'Union soviétique qui va être marquée en particulier par des relations extrêmement étroites entre Georges Pompidou et Léonid Brejnev. Pompidou et Brejnev se verront plus souvent l'un et l'autre que Nixon et Brejnev. Il faut savoir, chaque année, il y a une rencontre au plus haut niveau entre Pompidou et Brejnev. Mais cela va s'arrêter en 1973. En 1973, en effet, il y a une nouvelle rencontre Nixon-Brejnev et il signe un accord sur la prévention de la guerre nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire cet accord sur la prévention de la guerre nucléaire ? C'est-à-dire que les Américains et les Soviétiques décident au fond de co-gérer la guerre froide, de co-gérer le monde, d'interdire tout affrontement qui aurait lieu, évidemment entre eux, mais surtout avec d'autres. Et par conséquent, la France de Georges Pompidou devient inquiète parce que elle sent qu'elle n'est plus l'allié privilégié de l'Union soviétique. Au passage, le général de Gaulle n'employait jamais le mot de soviétique. Non, c'était la Russie c'était éternelle. La Russie. Voilà. Toute dernière question. Sans Mikhail Gorbatchev, rien n'aurait été possible pour ce qui concerne la chute du mur de Berlin. Qui gagne la guerre froide ? Reagan ou Jean-Paul II ? Ou Reagan et Jean-Paul II ? L'Union soviétique a certainement perdu à cause de cette course aux armements indéfinie. Et la guerre et elle a perdu sur le plan économique. Oui. Et dès 72, elle l'a perdu parce que les Américains fournissaient la moitié de ce que les Soviétiques consommaient au point de vue de cérébral. Donc il ne faut pas chercher un vainqueur, il faut chercher un perdant. Si on veut. L'Union soviétique, oui, en l'occurrence. Oui, certainement, elle a perdu. Bien, Maurice Weiss, merci beaucoup, merci d'être venu participer à cette émission et nous parler d'un temps que les 20 ans ne connaissent plus, mais qu'un certain nombre de Français connaissent, ils ont connu les deux. Voilà, merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le match Spassky-Fischer, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Mahé. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Vincent Lebrun, Adrien Cara et Gaspard Valu. Attaché de production, Rebecca Donnante. Programmation musicale, Valentine Chedebois. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Marion Lelay, Flora Bernard et Stéphane Combe. Thank you.